à vous, c'est le mix de Ludo qui commence. Voici Moz. Au nom de la rose. Débutons avec ça. À suivre, Marina Kay. Bonne soirée à vous. Le mix de Ludo, le vendredi et le samedi, 21h, 23h. Tout ça sur Sorgi FM et nulle part ailleurs. Bonne soirée à vous. La belle au bois vient de rendre l'âme. Mais je serai son homme à travers toutes ses femmes. Thank you. samedi à 21h sur SoGFR. Je dis bonnes vacances à ceux qui ont encore la chance d'être en vacances. Sinon les autres, eh ben bon courage si vous êtes au boulot. Comme tout le week-end, c'est le mix de Ludo qui vous emmène. 21h-23h. ce mix. Le Vendredi du samedi à 21h sur Sanctuary FM. Le mix de Ludo. I'm not. confirme, l'intro est super longue. Voici Offenbach, for you. Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Promis pour Offenbach, je reviens avec une version chantée demain. Hein. Promis. Soothing to my bones. Never, never, never leave me alone.

En moto, en gaz, Momo, mamé. À la fois, tu passes la veste à trois points, chez Moschino. Hombre, tu ne sais pas, mais je te voulais depuis Mino, mamé. Mais là, je se bagarrer, on va seulement se carrer. Je te joue pas de violon, tu sais que je suis violon. Le bif, tout ça, c'est carré. Bonne dernière, je peux l'assumer. Je te joue pas de violon, je te joue pas de violon. C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est blanc, tout comme Diano. Je lève mon flash à ta santé, mais c'est chaud. Moi, je suis arrivé, Yves Saint Lolo. J'ai tout mon cœur, c'est pas propos. Et même pas ça, je fais la photo. Tout va bien. Depuis logique, on t'aime trop beau. J'écoute tout ma lettre, je chante le lot. Et tu sais que tu sais, je peux pas te solo. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Madame veut connaître mon budget pour la vie. Ça charbonne encore donc c'est varié. A la fin du bal on rencontrera les amis. Versace sur ma gauche, j'dois même danser. Il paraît que c'est cher. Dis-moi le prix, j'te dis si c'est dans mes corps. T'es pas la vis, là tu pas né hier. Tu fais la meuf qui bout dans le féfé. C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est black tout comme Viano. J'lève mon flash à ta santé, mais c'est chaud. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. Je donne mon cœur, fais pas popo. Même quand pas ça, elle fait la photo. Tout va bien. Ma chérie veut Yves Saint Lolo. Je donne mon cœur, fais pas popo. Même quand ça, elle fait la photo. Tout va bien. Depuis logique, on t'aime coco. J'écoute tout ma lettre, j'en crolo. Et tu sais que tu sais, j'peux pas te solo. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Toi être à Miami, ils ont scellé la sapé la Rolly. Un peu romantique, un peu gangoli. Je suis un peu mani, je suis un peu Tony. À cette heure-ci, toi être à Miami, ils ont scellé la sapé la Rolly. Un peu romantique, un peu gangoli. Je suis un peu mani, je suis un peu Tony. Je suis dans resto, festin, pour le faire l'instinct. 10 millions, je laisse prendre. Il faut la crypto, Christo. On a pris le crispo, je préfère les plats à matre. For me, don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating while you're waiting. Soldiers dance for me. Let's get it front up on up in this dancery.

Girl, you won't capture my soul. I'ma get up so. Make a one one bottle more. Better, better, better, better, better. I'm loose. Even better, done the better. Not in Josie, I'm in Josie. Won't call if you want one Josie. I'm not playing with you, I'm not joking. My thought of mom is loaded. In your king fag up, but I'm on board. I'm on duty, but I'm on low key. They won't do me, they won't do me. They won't do me, cause they won't do me. When you won't want me, when you won't want me. I'm in San Francisco, Jammy. When you won't want me, when you won't want me. I just flew in from Miami. Peru, Peru, Peru, Peru, Peru. I'm loose. Even Peru don't need that. All alone, posing all over your story with nothing to hold but your. Mix. Une bonne côté le samedi à 21h sur KFM. Le mix de Ludo. Vendredi, samedi, 21h, 23h. 2 heures de mix non-stop sur JFM. Yeah.

le mix de Ludo. like we don't care. I'ma throw my hands up in the air, I'ma call you mama, mommy call me papa. We gon' get down like you know what's up. The world don't matter, your problem don't matter. Cause we gon' get dumb, dumb, dumb, dumb, that car. It's my birthday, it's my birthday. I'ma spend my money. Pretty lady, pretty lady. You should be my honey. Pretty baby, come with me. It's my birthday, it's my birthday. I'ma live my fantasy. Le mix de Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h. On a encore moins d'une heure à passer ensemble, 45 minutes même. Faisons les choses bien, bon week-end à vous. Just go by.

vendredi et le samedi à 21h sur Sorcier FM. Sorcier FM. Sorcier FM. Sorcier FM. De Ludo, vendredi et samedi soir, 21h-23h. vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo, le vendredi, le samedi soir, 21h, 23h, sur JFM. Il nous reste un petit peu plus de 25 minutes à passer ensemble. Faisons les choses bien, voici David Guetta. L'un de ses tout premiers singles, Love Don't Let Me Go. On se retrouve demain soir, 21h, 23h, pour une nouvelle édition. Du mix de Ludo. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous si vous sortez. Et rendez-vous demain 21h. Yeah. Ludo in the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Ludo in the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. mix de Ludo.